La TV a reçu un appel au secours d'un jeune médecin français. Regardez vous-même et diffusez ce cri de détresse partout où vous le pouvez. L'union fait la force. Bonjour, je suis le docteur Grégory Pamard. J'ai 33 ans, je suis marié et père de famille. Depuis un an, 4 mois et 13 jours, je n'ai plus le droit d'exercer mon métier de médecin généraliste dans mon pays, la France. Il y a 500 jours, on m'a forcé à abandonner mes patients, à les laisser seuls et sans solution. Il y a 500 jours, le gouvernement français a jeté dehors les médecins, infirmiers, soignants, pompiers, personnel des centres de santé qui refusaient l'injection anti-Covid. Nous avons perdu le métier que nous aimons, et le gouvernement a inventé un nouveau statut. Nous sommes les suspendus. Sans salaire, sans indemnité, sans aucune aide. Depuis 500 jours, nous avons dû renoncer à notre sécurité, à notre confort. Certains font la manche, des familles sont obligées d'abandonner leur maison, des personnes obligées de quitter leur pays. Et notre seul crime, c'est d'avoir été prudent, d'avoir refusé un nouveau traitement. Nous avons refusé que quelqu'un, et même notre gouvernement, puisse disposer de notre corps. Nous avons refusé que la médecine demain puisse commettre le crime de forcer les personnes. Pendant des mois, des centaines de milliers de manifestants se sont levés. Ils ont été ignorés, raillés par les médias, discrédités dans l'opinion publique. Cet été, la France était en proie aux incendies. On a appelé l'aide des pompiers dans toute l'Europe, mais 5000 pompiers suspendus restaient chez eux, sans pouvoir aider. Beaucoup de malades n'ont plus de médecin traitant, et en désespoir, ils renoncent à se faire soigner ou alors ils se rendent au service des urgences. Et les médecins ne peuvent toujours pas soigner. De leur côté, les services d'urgence ferment, les uns après les autres, et ceux qui restent ouverts ont un temps d'attente tellement long qu'il y a des patients qui meurent sur des brancards avant d'avoir été examinés. Mais les non-vaccinés ne peuvent toujours pas retourner à leur poste. Ça, c'est la réalité en France, dans ce pays qui se vantait d'avoir le meilleur système de santé au monde. Aujourd'hui, le monde entier admet que la vaccination n'empêche pas de transmettre les virus, l'argument scientifique ne tient plus et tous les pays au monde ont supprimé l'obligation. Mais non, pas tous. La France est le dernier pays qui conserve cette obligation vaccinale pour les métiers de la santé. Et cette exception française, nous la devons au président Macron qui a annoncé, et là ce sont ses mots, « Les non-vaccinés, j'ai très envie de les emmerder. » Et donc, on va continuer à le faire jusqu'au bout. C'est ça la stratégie. Il en fait une affaire personnelle et il se met au service de l'industrie pharmaceutique contre son propre peuple. Le gouvernement ferme les yeux sur cette situation et pire même puisque récemment le gouvernement a fait de l'obstruction pour empêcher le Parlement d'abroger cette loi injuste. 500 jours déjà. 500 jours. Est-ce que je pourrais à nouveau exercer comme médecin dans mon pays ? Bah, je sais pas. Et en fait, j'ai peur de ce que la médecine devient. Et en fait, j'ai peur de ce que mon pays devient. Parce qu'il y a ce statut-là de suspendu qui permet à l'État de faire disparaître socialement n'importe qui pour ses idées. Aujourd'hui, c'est les soignants. Demain, les professeurs récalcitrants, les policiers, les juges. Alors, c'est pour cette raison que je m'adresse à vous. Le gouvernement verrouille notre capacité d'action. Et si nous voulons que la cause soit entendue, on doit dépasser les frontières de notre pays. On doit informer et soulever massivement l'opinion publique internationale. Le monde doit dire à Emmanuel Macron et son gouvernement « Vous ne pouvez pas piétiner la démocratie. Ceux qui donnent leur vie pour prendre soin des autres méritent mieux que cela. La santé, la liberté des Français méritent mieux que cela. La France ne peut pas devenir un État totalitaire. Le pays des droits de l'homme mérite mieux que cela. Ceci est un appel à l'aide. Nous avons besoin que l'opinion publique internationale comprenne et sache ce qui se passe en France. L'état de notre santé, l'état de notre politique. Ceci est un SOS. Je vous demande de diffuser cet appel à travers le monde, de le diffuser dans votre langue, de relayer à vos amis, à votre famille, à votre connaissance, à votre réseau, dans vos réseaux sociaux, de relayer auprès de vos médias. Nous avons besoin que l'opinion publique s'indigne à nos côtés. La France a la prétention d'avoir guidé le monde. Et aujourd'hui, c'est au monde de soutenir la France. Merci.